le C, double OZE, Silverback, Coco, les Réminel, remise en question mon gros. Y'a pas temps, j'ai pris les sites de secours, ma vie partait en 7 sur ma blessure. Pas assez de sous dans les poches de mon vêture. Pas de gazure sur ma tête, mais la grisaille parisienne. Aussi sombre que le seum qui s'y part en barrette par dizaine. Je m'y grave pas pour le plaisir, mais pour soutenir à mes besoins, ma santé. Je la bougie à te faire pâlir, un médecin. Bienvenue si t'es un bolos pour toi, j'ai la meilleure drogue en cours. Mais si tu crois que t'es fort, coco te la met à la rocancour. J'ai progressé sur un chemin mauvais, je peux te le déclarer. Mais j'étais au courant car j'ai bien vu que t'étais pas éclairé. Hein, que je galère. On me jette des orties et pas des roses. J'ai grandi à la Dahas sans avoir les pouvoirs d'Iros. La poisson fait overdose depuis tant qu'elle fait 500 sous. Moi je profite de chaque instant quand je vois que Craig avait pas d'issue. Aucun souci n'est sans suite comme la plupart de mes jugements. Dans mon issue faut pas me suivre à part si l'argent demande. C'est qu'une remise en question. C'est toi de solitude en tête à tête avec ton pilon. C'est qu'une remise en question. Tu croules sous les problèmes et t'as pas de solution. C'est qu'une remise en question. Tu culpabilises de ton ridicule quand t'es sous poisson. C'est qu'une remise en question. C'est qu'une remise en question. Déjà tu piches que tu te lèves pour aller taper comme un con. Et quand tu vois la fiche de paye, t'as envie de baffer le patron. Que faire quand t'as du moins le côté vide. Et tu vois ta môme partir à l'école sans rien dans le vide. La santé va le bonheur, lui les contribue. Rien que d'y réfléchir, tes pensées deviennent ambiguës. C'est rien que de jongler entre les factures et ton couple qui se fracture. Tous les jours tu guettes le facteur, toi qui t'annonce ta rupture. T'es au bord du rouleau, ta meuf a plus de boulot. Surmonte ses difficultés avec du sky au boulot. T'es en train de perdre la raison. Et personne pour te dire que c'est toi qui as raison. Tu te réfugies dans la drogue et l'alcool. Le temps d'une évasion, tu rêves de toucher le pactole. Et dans la sanguine de revenu, tu prends du recul. En ayant la certitude que c'est toujours les mêmes qui t'enculent. C'est qu'une remise en question. C'est toi de solitude en tête à tête avec ton pilon. C'est qu'une remise en question. Tu croules sous les problèmes et t'as pas de solution. C'est qu'une remise en question. Tu culpabilises de ton ridicule quand t'es sous poisson. C'est qu'une remise en question. C'est qu'une remise en question. Bientôt la trentaine, les cheveux blancs qui apparaissent. Si tu dis que le bonheur t'a pas fait une caresse. La vie t'a laissé sur le carreau. Attends, derrière les barreaux. En plus accro à l'alcool et à la garrot. Tu te sens dans ces moments où tu vois tout défiler seul. Tu constates que tu t'es fait enfiler par le système. T'es gros ou ta propre famille. Mal à l'estomac, t'as le sentiment de vivre dans un pays en famille. L'argent fait le bonheur et toi je suis bien placé pour le brailler. Essaye de dire le contraire à un mec qui bise pour grailler. Chaque nuit je me lève car la rage me gâche le sommeil. Chaque jour je m'énerve car l'orage je me cache le soleil. Donc je vis dans l'ombre et vers le monde. J'ai un garçon. La rue m'a appris à être libre en devenant un mauvais garçon. Faut que je redescende et que je prenne en compte tous les avertissements. Mais je rallume mon sbire et prends ma taille car un verre d'épuisement. C'est qu'une remise en question. C'est toi de solitude en tête à tête avec ton pilon. C'est qu'une remise en question. Tu croules sous les problèmes et t'as pas de solution. C'est qu'une remise en question. Où tu culpabilises de ton ridicule quand t'es sous poisson. C'est qu'une remise en question, c'est qu'une remise en question. C'est pour tous les mecs qui pètent un boulon, qui sont passés ou qui passent par là. La remise en question, si ici, Coco, les Réminels, DJ Crips, J-Pen, Dracoel, LOS 33 Pro, mon gros. Si ici, c'est pour tous les gars du 9-1, du 9-5, du 33, bah ouais mon gros. Ici.